C'est un incompétent total. Là, tu viens de démontrer complètement que tu connais pas ton réseau de la santé et tu connais pas du tout tes dossiers. Vas-y donc à Alma. Pas dans l'armée, il n'a pas de biographe à ses trousses, donc sa réputation est préservée. Pour l'instant, voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de se remettre de cette semaine pleine de confessions, particulièrement salaces, hein? Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez tous vu ça, hein? C'est bien pour dire, en écoutant la commission Charbonneau, là, on se serait presque cru en train de regarder un film de Bleu Nuit. C'est vrai? Non? Non, mais c'est écœurant. Ouais, on pourrait renommer ça la commission Charbonneau, finalement. On pourrait. Non, vous l'avez vu. Gilles Vézina, là, qui est un cadre de la ville de Montréal, ben, il a avoué qu'on lui avait offert des services d'escorte, hein, pour le soudoyer. Il a quand même dit qu'il a refusé, là. Moi, je pense que ça l'honore. Oui, c'est vrai. Je pense, en fait, qu'il était plus disposé à... À quoi? À fourrer les contribuables, hein? Plutôt que... À quoi? Des personnes qui ne paient pas d'impôts, Fred. Vous m'avez fait dire, regarde. Et parlant de ne pas payer d'impôts, bien évidemment, il y a le maire de Mascouche, Richard Marcotte, qui est soupçonné de corruption, vous le savez, et qui a laissé savoir qu'il ne prévoyait pas de démissionner, lui. Non. Non, en fait, il va poursuivre sa période de réflexion. Encore un maire qui réfléchit. Bien, c'est parce que ça réfléchit fort en maudit. En politique municipale, Fred, vous le savez, ça. Tant qu'à y être, il devrait les publier, leurs réflexions, là, comme Jean-Jacques Rousseau. Là. Luther? Non, le romancier. Ah! Le père de Johnny. Le père de Johnny. Oui. Non, mais on imagine les titres, hein, des livres de... Hein, ouais. Confession d'un crosseur solitaire. Hein? Ou le Gilles ou de la corruption. Hein, ça serait bon, on ça. Fait de l'humour intello pas mal. Oui, ça, c'est Stéphane Baillargeon qui va être content. Ouais. Hein? Vous ne connaissez pas Stéphane Baillargeon? C'est un journaliste du Devoir. Je connaissais pas le Devoir. D'ailleurs, parlant du Devoir, ils ont perdu une grande chroniqueuse, là. Ben oui, Denise Bombardier qui s'en va au Journal de Montréal, hein? Vous connaissez pas Denise Bombardier? C'est comme un genre de Richard Martineau, mais avec du vocabulaire. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça. La même chose que lui. Oui, la même chose que lui, mais avec un accent français inventé. Non, vous vous mêlez avec Sophie Durocher, là. Ah oui. Tout à fait. From Rimouski. Rimouski sur scène. Oui, voilà. Mais parlant de réflexion profonde, là, je sais pas si vous avez vu, il y a Denis Coderre qui a annoncé la bouche pleine de spaghettes, ouais. Qui poursuivait sa réflexion, hein, à savoir s'il allait devenir maire de Montréal. Ben là, c'est bien long, son affaire. Oui, mais c'est parce que je pense qu'il attend que son nom ne sorte pas à la commission Charbonneau. Ah ouais, il paraît qu'il est bien temps. Il est temps. Moi, je le trouve, je trouve qu'il a l'air détente. Non, mais il est temps comme une montgolfière. Il est temps. Tu sais, comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Ah, il est temps. Écoute, regarde, justement, là, parlant d'affaires vides, hein, on parlait de la CAQ. Hein, je sais pas si vous avez vu, la CAQ a lancé sa campagne publicitaire cette semaine. Ben ouais. Je sais pas si vous avez vu ça. Hein, ça met en scène, en fait, une barre de savon puis des pommes. Ben oui. Ça a pas dû coûter cher en cachet UDA, cette pub-là. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il faut savoir, Fred, que c'est très difficile de trouver des artistes qui sont pas extrémistes gauchistes. Ah. Hein, c'est ça le problème, je pense. Hein. Il aurait dû demander à Patrick Bourgeois des bébés. Ouais, mais c'est pas un artiste, lui. Ah ouais. Ben, sans don. En tout cas, regarde, dans ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le slogan, par exemple. Je sais pas si vous l'avez vu, là. C'est un don pour la CAQ est un don contre la corruption. Rien de moins. Ça, là, ça veut dire logiquement que chaque don pour la corruption est un don contre la CAQ, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes contre la CAQ, ben, vous donnez directement à la corruption. Puis je pense qu'on peut appeler au 1-800-Corruption. Ouais. Ou encore plus simple, vous payez vos taxes. Ouais, c'est ça. Puis ça, ben, y a pas de problème. Ça, c'est dans la même poche. Y a aucun stress. D'ailleurs, parlant de cette pub-là, il paraît que ça a énormément irrité l'honorable et ô combien modeste Jean-François Lisée, ainsi que son adjointe. Hein? Son adjointe? Ben oui. On la connaît? Ben oui, Pauline Marois. Ah oui. Oh, oui, tout à fait. Ça l'a mis à maudit. Ben oui, tout à fait. Et parlant d'irritation, hein, le PQ en a causé aussi cette semaine avec son sommet sur l'éducation supérieure. Là, Pierre Duchesne a été accusé d'être le ministre des carrés rouges. Ben hein, oui. Parce qu'il a dit que le sous-financement des universités n'existait pas. Ça a été nié, évidemment, par la conférence des recteurs. Voilà, ça, on a appris cette semaine que le rectorat de l'UQTR là, est en train de construire une salle de bain de 30 000 $ pour ses 5 employés. Là, je veux dire, ça fait cher le pépi. Ben justement, Fred, adieu le marbre qui était prévu prévu pour les urinoirs, hein? Essaye de convaincre un recteur compétent de venir rectorer sous de la mélamine. Essaye ça. Ben ouais. D'ailleurs, à l'UQAM, là, c'est quoi les conditions des toilettes pour le nouveau recteur? Là? À l'UQAM, ouais. Les toilettes? Ouais. Alors, c'est pas compliqué, il y en a tout le tour de la bâtisse. Ah! Ouais, c'est ouvert à tout le monde, tu peux y aller. D'ailleurs, ça, c'est senteur, là, c'est ça qui sent. Tout va, c'est ça, il n'y a pas de problème. Non, mais moi, je pense qu'on devrait prendre la solution du maire de Saguenay, Jean Tremblay, hein, pour régler le problème. Je pense que c'est. C'est-à-dire? Ben, l'université, là, on y va trop longtemps. C'est ça qui coûte cher. Ah ouais, c'est ça le problème. Non, mais tant mieux, c'est un bon exemple. On peut très bien être sous-scolarisé pour avoir un bon emploi. Non, non, non. Non, Fred, Jean Tremblay, c'est un notaire. Ça paraît pas, mais il y a des études, ce gars-là. Oh boy, non, okay. Non. Fait que finalement, le problème, c'est pas le financement, c'est les admissions. Ouais, je pense que ça semble être ça, en fait. Là. En tout cas, regarde, ce soir, on a des invités qui sont très scolarisés. Ouais. Hein? En tout cas, au moins pour le premier, on reçoit Thomas Mulcair, politicien, donc avocat. Oui, probablement. C'est vrai, s'il était journaliste. S'il était journaliste au PQ. Hein? Ah, probablement, c'est ça, c'est bien clair. Et on reçoit également Christian Bégin, qui, on imagine, a un doctorat en épicurisme. Oui, ouais, ouais. À l'Université de la vie. Oui, tout à fait, ça doit être sur le bord de la mer, ça, avec du vent et tout le kit. En tout cas, bon, on va y demander, hein, on a encore le temps, parce que la soirée est encore jeune, tout le monde. Merci d'être à l'écoute. Ah ben c'est le retour d'Olivier Niquette ce soir. Et oui. Puis la Floride. Ah, c'était beau, mais je vous ai écouté quand même. Hein? Ah oui, puis? Moins bon que d'habitude. Bon. J'aimerais vous dire quand même que les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront voir un beau vidéo du groupe de pirates Anonymous qui, après s'être attaqué à Power Corporation, s'attaque au maire Stéphane Gendron. Oh boy. Ah ben, hein? Chacun ses cibles. Une cible plus modeste. Oui, c'est moins... C'est... plus bas. Coûte-moi cher la gaz. Grosse semaine d'actualité. Encore grosse semaine. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler des salaires des médecins spécialistes. Vous avez tous vu ça, hein? Hey, le salaire de Gaétan Barrette, 700 000 $. Ouais. C'est... Ouais. Hein? Dites-le. T'as un méchant gros salaire. Ben ouais, mais... Dites-le. Non, non! Hey. C'est juste une moyenne, en plus. Oui, oui. Non, non. Ça doit être un problème de glande, encore, tout de même, les autres. Non, mais... la glande salariale. Ben oui. Ben oui. C'est 700 000 piastres, là. Non, mais c'est le Salon du livre à Montréal, présentement, et avec ben, toute l'actualité qui déborde, ça nous a donné l'idée pour notre palmarès de la semaine, hein? Alors, voici donc le top 10 des livres à lire absolument cette semaine. Oui, c'est un top 10. Oui. En 10e position... « Guerre et paix » de David Petraeus. « Guerre et paix », c'est en deux mots. Ouais, non, « Guerre et paix ». Ouais, c'est ça. Un peu ça. En 9e position, « La nausée » de Véronique Yvon. Ben oui. Hein? Pareil que c'est Yaron James qui signe la préface. Oui, c'est bon, 9 mois. Oui, après ça, ouais. En 8e position, « Des souris et des hommes, ma vie au Parti libéral » par Stéphane Dion. J'espère qu'ils feront pas un film avec ça. Stéphane, il passe pas bien à caméra. Dépend du caméraman. En 7e position, 20 000 lieues sous les mers, ma nouvelle vie. François Rebello. Ah ouais, ça va être bon. Ça doit être la mer de la tranquillité. Oui, ouais, sûrement ça la lune. Ouais. En 6e position, Gargantua et Pantagruel, ma vie dans le système de santé par le docteur Barrette. Oh, franchement, là. Non. Rabelais était médecin. Ah ouais. Il y a un lien dans tout. Ouais, ouais. En 5e position, Moby Dick, il en a écrit un autre. Ah là, franchement. Non, ça doit être la biographie de l'ego de Régent Tremblay. Ah, ben, il y aura plus qu'un tome. Ouais. À mon avis. En 4e position, Les Fleurs du Mal ou Ma vie aux Premières Loges par Nathalie Normando. Ouais. Ça va être pas bien, ouais. C'est Céline Dion qui fait la préface. Hey, ça va être bon. Colin, ça va se vendre. En 3e position, Le Rouge et le Noir par Maka Koto. Ah oui, Le Rouge, c'est ses coupes en culture. Ouais. Puis ben, le reste, on sait. Ouais. En 2e position, La Gloire de mon Père par Justin Trudeau. Ah ben oui. Ben oui. Ah oui. Et en 1ère position, Le Château de ma mère. Aussi de Justin Trudeau. Non, Les Enfants de Pauline Marois. Ah! Notre premier invité. Après une carrière de 13 ans comme député mouton noir au Parti libéral du Québec, il est maintenant chef du NPD et mouton jaune-orange de la politique canadienne. Voici Thomas Mulcair. Monsieur Mulcair. Là, je vois que vous avez votre bouteille d'eau, mais c'est moi, j'offre de la bière ici. Bien, je vois que c'est la seule émission de radio où on offre la bière. Alors, oui, ouais. Je pensais que c'était une blague, mais Non, c'est on génial. Offre la bière pour vrai, tout à fait, tout à fait. Oh, oui, c'est sur le bord. Ça, tout le monde sourit en rentrant. Attendez, on l'offre la semaine d'avant, comme ça, il arrive ici, puis qu'on ne comprend rien, puis il rit. Vous voulez une bière pour vrai? Avec plaisir. Bien, j'espère. Il y a de la blonde ou de la blonde? Ça va être ça? Je veux prendre la blonde. Bien, c'est un bon choix. Puis c'est une boréale, c'est québécois, c'est ça qu'ils disent normalement les invités ici, je vous le dis. Si vous voulez pogner au Québec, faut dire des affaires comme ça. Ah, c'est québécois. Oui. On apprend vite. Ben, je suis très heureux de vous recevoir, M. Mulcair, un ancien libéral. Et là, évidemment, ça brûle les lèvres à tout le monde. C'est quand que votre nom va sortir à commission, Charbonneau? J'espère jamais. Ben... C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand même, ça nous rassure qu'on peut avoir des institutions mises en place pour corriger des situations aussi troublantes que celles qu'on est en train de voir. Mais là... Est-ce que votre nom va sortir? Je ne croirais pas, non. Je ne croirais pas ou non? Non, ben écoutez, moi j'ai été en politique pendant longtemps. Oui, oui, c'est ça. Je peux avoir rencontré quelqu'un à un moment donné, puis quelqu'un dit, ben je l'ai rencontré, donc ça veut dire ton nom sortirait. Mais vous avez pas rien fait de mal, non. Là. Ah, OK. Mais là, c'est parce que je me dis, là, c'est toujours embêtant quand on se fait pogner après. Ouais. Là, moi, je trouve ça embêtant. Et je me dis, là, il n'y a pas beaucoup de monde ici ce soir, quoi, 20, 25. Dites-le, là, si vous avez fait faire. Non, non, mais. Non, on va se faire une petite commission. Ben oui, la commission de la soirée. Hein? Non, cette commission ne craint rien. Donc là, vous avez vraiment rien fait de mal, mais si non. Vous. Supposons que vous avez fait de quoi de mal, vous allez revenir nous en parler? Absolument. Est-ce qu'on va se revoir? J'essaie non. De. Non, OK, bon. Mais avec une bière, mais c'est ça la condition. C'est ça. Et là, bon, on parle parce que les plus récentes élections, c'est les élections provinciales oui. Qui ont vu ben, le Parti québécois arriver au pouvoir. De justesse, on va se le dire. Et le Parti libéral ben, s'en tournait chez lui sans chef. Exact. Et votre... Il y a plusieurs provinces où le Parti libéral ben oui, s'en oui, ben oui, il y a quelque chose avec le Parti libéral. Hein? Oui. C'est quoi donc? Je pense que c'est un parti usé qui est avec des idées du passé. Mm-hmm. Et on le sent au fédéral aussi, on le sent au provincial. En Ontario, ils ont copié carrément M. Harper en prorogeant leur parlement provincial, en disant que ça ne siégerait plus le temps qu'eux, ils font d'autres choses. Alors, c'est assez étonnant. La même chose s'est passée cet automne avec le Parti libéral qui était au pouvoir en Colombie-Britannique. Et le Parti libéral du Québec et Jean Charest, là, est-ce que vous l'avez appelé, M. Charest, après sa défaite? Non. Non, c'est pas vrai. Je l'ai appelé. Ah, j'ai mon appelé Dieu, c'est une mémoire. Le soir des élections, j'ai parlé avec M. Charest, j'ai parlé avec Mme Marois. Oui. Et j'ai réussi à trouver M. Legault. Ça m'a pris il est sur Twitter. Mais ça m'a pris un petit peu plus de temps pour parler avec M. Kadir. Mais j'ai réussi quand même à lui parler. Ben, il devait être avec son agenda caché. Oui. Lui, c'est tout le temps bien loin. Ouais. Mais justement, il n'y a pas des associations naturelles entre Québec solidaire et le NPD? Sur le fond des dossiers sociaux, il y a énormément de similitudes, justement. Ouais. Mais il y a une approche qui est différente en ce qui concerne l'avenir du Québec. Québec solidaire prône l'indépendance du Québec. Pour ma part, ça, je me fais partie de ce que j'entrevoyais comme aidant les gens que j'essaie de représenter. Je ne vois pas comment des bouleversements comme ça peuvent aider le commun des mortels. Et quand vous regardez la course au Parti libéral du Québec, c'est quand même vos racines aussi. Vous venez de là. Oui, vous avez passé beaucoup de temps parce qu'effectivement, la politique québécoise est ainsi faite qu'on a un grand chapiteau fédéraliste qui accommode gauche et droite et un grand chapiteau souverainiste qui accommodait gauche et droite. Ça commence à s'effriter. La CAQ participe à ça, l'ADQ participe à ça et même Québec solidaire, c'est-à-dire des gens commencent à identifier des dossiers sociaux et économiques et pas juste fédéralistes souverainistes. Parce qu'à l'intérieur de la même, il y avait des gens souverainistes à gauche. Donc, il faut s'accommoder d'une plus grande diversité un peu. Mais c'est une ligne un peu plus classique en politique nord-américaine et européenne. Dire gauche-droite l'économie et le social plutôt que sur une ligne artificielle comme la Constitution. Mais justement, là, maintenant que le Parti libéral du Québec est en pleine refonte, en fait, à quelque part, ça vous tentait pas de vous lancer dans la course à la chefferie au Parti libéral? Du Québec? Ben oui. Rendu là, là. Ah non, je vais vous envoyer quelques livres sur le Mont Harford. Non. Ben, c'est pour ça que ça me fait... sérieusement, j'ai encore des collègues avec qui j'ai travaillé pendant des années qui sont demeurés des gens avec qui je parle régulièrement. Mais non. Le parti lui-même, j'ai mis une croix dessus. Mais là, avec l'élection d'un gouvernement péquiste, vous avez rencontré Pauline Marois récemment? J'ai tenté de la rencontrer, elle était prise avec des situations assez complexes et on a convenu de se voir un peu plus tard. Je la connais bien depuis des années. J'ai hâte de la voir dans le contexte de mes fonctions et de sa nouvelle fonction. Et je suis très fier que le Québec ait élu une femme. On va en profiter, ça ne sera pas long, je pense. Non, c'est ça. D'ailleurs, les prochaines élections québécoises, ça ne devrait pas tarder. On a vécu la situation des gouvernements minoritaires à Ottawa. Moi, je connais le rythme et le beat de ces choses-là. J'oserais vous dire peut-être 14 mois, 18 mois. Maximum. Basé sur le passé, oui. Mais là, justement, il y a le budget qui s'en vient là, le 20 novembre prochain. Vous pensez qu'il va passer, le budget, comme ça? Je mettrais un gros 25 cents qui va passer parce que je pense que, le public serait très peu indulgent si on devait déclencher des élections sans vraie cause. Ben oui, tout à fait. Et je pense que les partis ont tous besoin de se refaire financièrement. Ben d'ailleurs, avec la nouvelle campagne de la CAQ, est-ce que vous allez donner un petit 20$ à la CAQ? Non. Non, socialement, c'est à peu près aux antipodes avec le NPD. D'accord. Ben justement, on a parlé récemment, il y avait le congrès du NPD Québec, de l'Aide québécoise. Ça, c'était bien. On était 600 personnes, c'était vraiment bien. Ça a été un beau party? Honnêtement, bien. Ouais. On voit qu'un an et demi après l'élection de mai 2011, on commence à avoir des associations de circonscription bien implantées dans le milieu, des députés plutôt favorablement connus, ils connaissent les élus, les associations, les groupes communautaires, ça va bien. Et justement, dans ce congrès-là, on attendait une réponse. En fait, est-ce qu'il va y avoir une création du NPD Québec? Presque impossible de le faire dans le contexte d'un gouvernement minoritaire. Et je m'en voudrais terriblement de diviser mes forces. Ma première priorité doit être de battre Stephen Harper. Donc, rappelez-vous de la question qui a été posée à Mme Marois au début de la campagne. Que fait un souverainiste de droite? Puis elle a tourné un peu en dérision. Ça a super bien été, cette discussion-là, pour Mme Marois. Effectivement, c'est une question valable. Donc, que fait quelqu'un qui croit que le Canada vaut la peine d'être gardé, mais qui est de gauche? Mais nous, on a regardé la situation. Tous les membres qui étaient là ont discuté en profondeur, puis on s'est dit non. Notre première priorité, c'est de mettre toutes nos ressources pour battre Stephen Harper. Ça doit demeurer notre priorité. Parce que la question se pose, et on s'est posé la question aussi des fois en réunion, on se disait, si pour le fédéral, on a eu à recruter Ruth Hélène Brosseau, on se demande, pour 125 circonscriptions au Québec, qui sait qu'on va se ramasser avec? Dire que j'étais avec Ruth Hélène aujourd'hui, avec l'Union des producteurs agricoles. Ouais. C'était une réunion extraordinaire, et je me suis rendu compte que j'ai une jeune femme qui est non seulement une députée vraiment aimé dans sa circonscription, mais qui connaît vraiment de fond en comble son dossier dans le domaine agricole. Écoutez, c'est le fun de la suivre. Et d'ailleurs, moi, je pense aller à Las Vegas pendant le temps des fêtes. Et si elle y va aussi, juste peut-être me donner son numéro. Je vais lui faire le message, monsieur Vautier. J'espère qu'ils sont bien ferrés, vos députés, parce que là, il va y avoir la Trudeau-mania tome 2 qui s'en vient. 4.0. C'est ça, ou 4.0, en tout cas. Il est tellement en avance, Justin. Ah, c'est fou. Est-ce que vous avez peur de l'arrivée de Justin? Non, pas du tout. Celui ou celle, parce qu'il y a plusieurs candidats qui sont en clair. Mais on va s'entendre là. Oui, mais on va laisser-les aller. Oui, la personne qui serait choisie va être leur septième chef en 9 ans. Oui. Je suis le septième chef depuis la création du NPD il y a 51 ans. Nous, on a de la stabilité, on prépare long terme. Les libéraux changent de chef parce qu'ils ont toujours le goût d'avoir la prochaine personne qui va faire quelque chose de miraculeux. Oui, c'est sûr que ça ne va pas super bien ce temps-ci. Nous, hein? On travaille ça fait longtemps qu'ils ont le fond de nos dossiers. Ouais, ouais. On sait exactement où on doit être en 2015 pour battre Stephen Harper. Et les gens savent que ça va être une bataille de titans. Mais on a vu les sondages quand même. Les sondages donnent une bonne avance au Parti libéral du Canada avec Justin Trudeau en tête. Les sondages encore en date de cette semaine. Et je vous invite à aller sur un site qui s'appelle 308.com. Oui, ben oui, oui. Qui est un très bon site qui fait une agrégation de tous les sondages. Et qu'est-ce que ça donne? Le NPD est encore largement en avance du Parti libéral et au Québec et dans le reste du Canada. Et en Alberta? Ah, mais là, c'est une bataille un petit peu plus ardue, mais j'ai passé les deux derniers jours en Alberta. Et puis? Un bon accueil, mais c'est un discours. mais je veux vous dire, j'ai le défaut de mes qualités. Je n'hésite pas, je ne vais pas dire autre chose à Edmonton ou à Calgary que je dis à Montréal. Si je dis que le développement durable, pollueur-payeur, ce sont des principes qui doivent s'appliquer. Je vais le dire là-bas. Alors, c'est pas toujours populaire parce que les gens pensent que c'est contre les sables bitumineux. C'est contre la manière de développer cette ressource-là. Mais le message commence à passer. Dites-le en français. Il y a peut-être moins de chances que ça choque le monde. vous restez avec nous, M. Moquin. On va recevoir M. Bégin tout à l'heure. On va avoir encore plein de discussions. Oui. En fait. Je sais pas si vous avez regardé la une du Journal de Montréal de lundi, mais ça nous démontrait que le cinéma québécois était en crise. Hein. Donc, le journal est allé d'une petite comparaison un peu boiteuse en mettant de côté les entrées de Skyfall, le dernier James Bond, d'ailleurs dont vous pouvez connaître le punch en écoutant l'émission de Catherine Perrin d'ailleurs, et les entrées de Tout ce que tu possèdes, le dernier de Bernard Aimon. Évidemment, deux choses complètement différentes. Oui. Nous, ça nous a donné l'idée d'une comparaison douteuse, toujours sous le thème de James Bond, mais un autre Bond que le monde de l'humour au Québec connaît bien. On écoute. The name is Bond. B-O-N-D. Steve Bond. Comme James Bond, c'est mon vrai prénom. James Bond. Alors, comme bande d'essai aujourd'hui, là, tu vas essayer de lire le Journal de Montréal, la presse puis le Devoir dans un bain tourbillon beauté dans une boîte de pick-up. Wow! Lire les journaux! J'ai jamais fait ça! Hey, vous êtes capotés! Fait que, go! OK, fait que là, aïe, la presse dans un bain tourbillon, c'est bien flyé! Hey, pour une fois que je suis remué par un article de Rimaud Coury! Wow! OK, je vais essayer de lire le Journal de Montréal, là! Oh non! Il est tout mouillé, dégueu! Shit! Ça tâche! Mon costume de bain est plein de noir! T'sais, moi, les noirs! Oh. Hey, le Devoir dans l'eau, c'est bien capoté! Je suis pas capable de le lire, mais j'étais pas capable avant non plus! La preuve est faite! Steve Bond a de la misère à lire les journaux dans un bain tourbillon poté dans une boîte de pick-up! Et partout ailleurs aussi! « Vous savez que si on était une radio privée, on serait obligé de faire ça aussi, Fred. Oui. OK. Juste être courant de ça. La semaine dernière, il a parlé de prostate et de toucher rectal à l'émission. Oui, c'est vrai. Ouais. Aussi, plusieurs ont trouvé que ce n'était pas très approprié pour la radio. Moi, j'en étais un de ceux-là, d'ailleurs. Oui, je me rappelle très bien. Ouais. Ouais. Aussi, après un avertissement, on espère que le sujet de notre reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard, va voler un peu plus haut aujourd'hui. Jean-Sébastien, bonjour. Ah, bonjour, mon bonsoir, Philippe. Comment allez-vous? Ben, super bien. Ça va dépendre de votre sujet. Hein. Vous êtes où aujourd'hui? Mais je suis présentement en train de faire la fête dans les toilettes du 13e étage de Radio-Canada, celle que vous utilisez toujours très longtemps, vous savez, le vendredi, Jean-Philippe, avant l'enregistrement de l'émission. Pourquoi? Ouais. Pour célébrer à l'avance la Journée mondiale des toilettes. Et c'est pas une blague, c'est véritablement une journée qui existe. C'est dimanche prochain. Alors, au cours de l'émission, on va questionner un peu les toilettes sous plusieurs angles. Bon. Et je commence avec un aspect sociologique avec Mme Annie Cloutier. Bonjour, Mme Cloutier. Bonjour, puis je vais rassurer Jean-Philippe tout de suite, là, vous avez choisi quelqu'un de très sérieux, qui n'aura aucune blague de passe-étage. Alors, vous êtes étudiante au doctorat en sociologie de l'Université McGill, auteur de plusieurs ouvrages. On s'est souvent penché sur le comportement des humains en groupe, dans les ascenseurs, par exemple. Qu'en est-il des toilettes publiques? Est-ce que c'est une espèce de laboratoire où on peut apprendre sur ses utilisateurs? Je me serais pas attendue à ce que vous sachiez ça, mais effectivement, ça en allait jusqu'à dire que les toilettes peuvent être un fait social total. Ce serait peut-être exagéré et très jargonneux. On peut dire que c'est certainement un endroit là où sont sublimés. Je me méfie des mots, là, oui. Étant donné le contexte. plusieurs de nos névroses et de nos comportements collectifs. Ah ben, c'est super intéressant. J'aimerais qu'on parle justement de certains comportements particuliers. Pas plus tard qu'hier, mon collègue Vautier me parlait de travail pendant qu'on changeait tous les deux notre poisson d'eau. J'ai bien naïf ce moment-là. Je pense qu'on devrait toujours s'installer dans un urinoir un peu plus loin de la personne. Ma question, comment on doit se comporter avec les gens qu'on connaît dans une salle de bain publique? Est-ce qu'il y a des codes, des règles à suivre? C'est une bonne question. Oui, la première chose à savoir, c'est que malgré les apparences, parce que c'est un endroit qui est relativement discret. Les salles de bain, surtout les salles de bain publiques, sont un endroit qui est très, très codifié dans toutes les sociétés. Bon. Et dans notre société à nous, les salles de bain servent particulièrement à la hiérarchisation et à la distinction. Oh. Donc, quelque chose à méditer peut-être, M. Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe a toujours été fier de sa distinction, justement. Et il y a toutes sortes de trucs hein, aussi qu'on peut utiliser pour éviter les sons, parce que c'est souvent ça qui nous inquiète un peu. Je sais qu'Olivier Niquet disait au bureau ce matin, ben, il faut toujours aller faire un numéro 2 sur un autre étage que celui sur lequel on travaille. Fred Savard nous a dit, pour pas faire de bruit avec son urine, il faut simplement mettre sa jambe dans la bolle et faire pipi sur sa jambe. Vous savez que ça marche, toutes sortes de trucs comme ça. À cet égard, dites-moi, comment expliquer qu'il y ait des gens sans pudeur dans ces lieux, alors que d'autres, justement, veulent utiliser des subterfuges comme ça pour passer incognito? Ben, la question est mal posée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très situé socialement. Donc, nous, société très influencée par le calvinisme nord-américain, on a des standards de pudeur exceptionnellement élevés si on compare avec l'histoire de l'humanité. Bon. Et ça va peut-être ça va vous faire réfléchir peut-être de savoir que si vous trouvez que c'est malséant, c'est surtout parce que vous êtes né au 20e siècle en Amérique du Nord. Parce que c'est une autre société qui trouverait ça très correct de faire ces comportements que vous venez de... Alors, je vais être bien fâché après ma mère de m'avoir fait à ce moment-ci de l'année. Alors, je vous remercie en pleine face, Mme Cloutier. Vous pouvez maintenant changer de cabine. Je vais faire appel à M. Frédéric Metz. Dans quelques secondes, on va parler de design des toilettes, Jean-Philippe. Ben, merci Jean-Sébastien. Hein. Merci à vous. Hey, que c'est bon. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur la première chaîne de Radio-Canada. Une émission qui, comme David Petreus, est surtout extra, mais pas très conjugale. Ben, il se tient debout quand il va aux toilettes. Oui. Fred Savard. Oui. Oui, bonsoir. Ouais. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais proposé un tirage au sort hein, parmi les citoyens afin de former nos gouvernements. Oui, ben oui. C'est... Une excellente chronique. D'ailleurs, ben, les gens on m'arrête dans la rue. Ben hein. Non, je sais bien. C'est ça, fou. Ça fonctionne. Hein. Alors, ben, l'idée, c'est de se débarrasser des politiciens de carrière qui nous coûtent une fortune et qui nous rient dans la face depuis trop longtemps. Monsieur Mulcair, je parle pas de vous, là. Je parle de ceux à la commission Charbonneau. Ouais. Malheureusement, je pense que le hasard ne suffira pas pour assainir notre démocratie. Mais heureusement, j'ai eu une illumination en lisant un article paru dans Le Devoir cette semaine. Un article au sujet de Aude de Thuin, une femme d'affaires française qui, dans une allocution au World Entrepreneurship Forum, affirmait que la crise des subprimes, les subprimes, qui a entraîné le monde entier en récession économique, était une crise typiquement masculine. Arrêtez donc. Et que s'il y avait plus de femmes au pouvoir, ce serait jamais arrivé parce que les hommes prennent plus de risques que les femmes qui, elles, sont prudentes. sont prudentes. Ah oui, bon, ben ça oui. semble gros sur le coup, j'avoue moi-même hein, avoir sursauté sur mon gond en lisant ça. Mais après avoir réfléchi profondément, c'est-à-dire un gros 5 minutes là, dans la douche, vous savez, mon habitude de réfléchir dans la douche. Oui, oui, ça, avec un accent français. Oui, oui, je me suis dit qu'on est, on est tellement rendu bas, en bas de la ceinture, même on l'a entendu cette semaine avec les histoires d'escorte, là, que je pense que c'est le temps d'avoir plus de femmes au pouvoir. Mais okay. là, attention, là, pas, ouais. pas une affaire de parité 50-50. Non, non, non, non, trop timide. Ça prend des femmes en grand nombre, là, en ouais. des containers de madame. Pour runner le monde. Parce c'est que, ça, oui. Non, non, mais puis pas seulement à la direction des entreprises, mais surtout dans les partis politiques. Ça okay. prend des maires pour remplacer nos maires corrompus. Oui. Des maires, pas juste des maires, des femmes en général. Oui, oui, oui, d'ailleurs, oui. avez-vous remarqué qu'on n'entend pas beaucoup de femmes venir témoigner à la commission Charbonneau? Hein? C'est vrai, ça. Bon, vous allez me dire que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les postes de pouvoir et que par conséquent, c'est difficile de les corrompre, mais je répondrai foutaise! OK. On a jamais entendu dans le passé des allégations quelconques autour de Lise Payette, par exemple, hein? Non. De Pauline Marois, de Monique Jérôme Forget. Non, non, non. Bon, vous aimeriez bien que je vous parle de Nathalie Normandeau, ouais. mais je ne le ferai pas, sinon ma chronique ne fonctionnera plus. OK. De toute façon, on l'a bien vu depuis le début de la commission, ce sont surtout les Gilles qui sont corruptibles. Ben hein? oui. Gilles Surprenant, Gilles Vizina, Gilles Vaillancourt. Ça commence à faire du Gilles au pied carré, ça. Et je tiens à vous souligner que le prénom Gilles n'existe pas au féminin. Hein? Déjà un problème de régler. Je ne peux pas mettre deux E à Gilles. Gilberte, c'est Gilbert. Ah, okay, il n'y en a pas de Gilles au okay. féminin. Et okay. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais des mafias féminines, ça n'existe pas non plus dans c'est le monde. Vrai? Bon, ouais. à part la Ligue Lecce, là, qui, contrairement aux mafias masculines, la Ligue Lecce ne se pend pas aux mamelles de l'État. Ça nous coûte donc moins cher collectivement. Évidemment, les plus masculinistes d'entre vous diront que la corruption et le vice ne sont pas des qualités typiquement masculines. Uh-huh. Et j'ai bien envie, hein, juste pour le plaisir de la réflexion, de leur dire oui, même si on sait très bien que c'est faux. Et même si on admettait que les femmes sont aussi corruptibles que les hommes, ce serait quand même une corruption plus subtile, hein? Une corruption plus humaine. Ouais. Je pense. Okay. Par exemple, oui. il y aurait sûrement moins d'échanges d'enveloppes brunes dans un urinoir ou pendant une ronde de golf. Ouais. D'abord, ce ne serait pas des enveloppes brunes, ce serait des petits sachets odorants de peau pourrie. On se les échangerait pendant des cours de yoga. Pas d'invitation à des stupides parties de hockey à manger des vulgaires hot dogs en buvant de la bière cheap non plus. On irait se corrompre au théâtre ou encore à des spectacles de danse moderne au lieu des sempiternels spectacles de danse poteau. Et, connaissant les habitudes des femmes en général, il est clair que des élus, eux, n'auraient pas recours à des escortes et à des prostituées. Ben non, hein. Je pense qu'on le sait, Ginette Renaud nous l'a assez chanté. Les femmes aiment qu'on leur fasse la tendresse. Ouais. Il n'y a pas d'agence d'escorte de tendresse. Et heureusement, puisqu'on sait très bien que l'équité salariale n'étant pas toujours réalisée au Québec, les prostituées mâles chargent 20% plus cher que les prostituées de sexe féminin. Les extras nous coûteraient encore plus cher. Peut-être que je suis rêveur. Peut-être qu'avec plus de femmes au pouvoir, on ne réglerait pas tous nos problèmes de collusion et de malversation. On nous crosserait sûrement, certes, mais ce serait au moins des crosses de bon goût. Et ce serait déjà un commencement de révolution. Prenons les écriteaux désuets à l'entrée des tavernes et déplaçons-les à l'entrée des antres oui. du pouvoir pour qu'on puisse enfin y lire « Bienvenue aux dames ». Hey, c'était beau. C'était merci beau, hein? Merci, Fred. Merci beaucoup. Ben... Peut-être que cette chronique-là va être autant entendue que l'autre. Ah, ben j'espère. Ça va fonctionner dans l'affaire de fou. Ah. Et qu'on vous le souhaite. Ben, on retourne discuter avec Jean-Sébastien Girard, qui est encore dans les toilettes, on imagine bien. Jean-Seb? Absolument, toujours dans les toilettes de Radio Canada pour célébrer cette journée mondiale des toilettes. Et là, maintenant, on va parler de l'aspect design des toilettes. Et j'ai nommé le grand spécialiste, M. Frédéric Metz, qui vient de faire paraître d'ailleurs le magnifique ouvrage « Design », point d'interrogation, publié chez Flammarion Québec. Monsieur Metz, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, c'est quoi pour vous une belle toilette publique? Comment vous évaluez ça, une belle chiotte? Ah, une belle chiotte, on devrait dire des WC. En Europe, on a tendance à dire des WC, et surtout pas une salle de bain. Hein? Ouais, ouais. On ne sort pas en Europe. Ouais, ouais, ben, ma foi, c'est comme ça. Et c'est beau quand c'est pratique, quand c'est utile, quand c'est propre, quand ça sent bon, quand on a envie peut-être de méditer. Méditer dans les toilettes, pourquoi pas? Okay. Rodin peut-être faisait ça. Je sais pas c'est qui Rodin. Parlez-moi de la salle de bain qui est autour de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Nul à chier. Ah, c'est vrai? Ah, vraiment, vraiment. La couleur est pas inspirante. Je pense que... Pour fond de beige? Oui, un beige infâme. Donc, Radio-Canada mériterait mieux pour donner du pep durant ces moments-là, pour vous donner de l'inspiration, encore une fois. Ouais. Ça mériterait du rouge, du vert, de la musique, de la techno, enfin, quelque chose, quoi. Pourquoi pas un DJ dans les toilettes? Ouais. Mais moi, ça me gêne un peu ce que vous dites là, parce qu'en même temps, c'est bien beau, les belles toilettes, mais la question qu'on se pose tout le temps, invariablement, c'est pas un peu gênant de faire une bouse dans une belle toilette design? Moi, au contraire, je me dis, tiens, mon Stark, Philippe, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà un cadeau pour toi. Alors, je suis très fier de chier sur Stark et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Mais je pense que oui. Oui. Et une belle toilette peut être design, tout à fait. Elle peut être... Ce qui est important, c'est qu'elle soit fonctionnelle. Et je pense que tout le monde a en horreur d'arriver dans une toilette qui est bouchée. Donc, au départ, peu importe la forme, il faut qu'elle fonctionne. Monsieur Maître, je vous remercierai jamais suffisamment. Dans quelques minutes, on va parler de maladies, de bactéries qu'on peut attraper dans une salle de bain avec la célèbre docteur Laberge. Ben, merci beaucoup encore une fois, Jean-Sébastien. Hein? C'est moi qui vous remercie. Vous êtes assez utile à la société. Ah oui. Hey Fred, notre deuxième invité. Comédien, chanteur de charme, animateur, cuisinier à 16 heures, il est comme un humoriste, il fait tout. Voici Christian Bégin! Bonjour. Félicitations. Tout le plaisir est pour toi. Ah, tout le plaisir est pour moi, c'est évident. Oui. Et ça va se prouver dans les prochaines minutes, là. J'en doute pas. Là, c'est rare que j'ai ça, là, mais j'ai un petit verre de vin long pour vous. Hey. Mais que je suis surpris! Non, mais c'est un cellier des dauphins, par exemple. Ah, c'est bon! C'est bon! Oui. Ouais. Oui, oui, ben ça se vend ici à la cafétéria. Ouais. Oui, exactement. Oui, on n'a pas fait de spécial tant que ça. Non, ça, je me disais. Dans un bon petit verre en plastique. Ah, vous savez recevoir. Il est peut-être un peu trop froid, mais ça passe mieux pour le cellier, je pense. Moi, je vais le boire à bouteille direct. Ah, okay. T'es magnifique. Ben non, c'est comme ça. Chin-chin. Mais mon Dieu. Oui. Et puis là, vous savez quoi? Non. Monsieur Moncler a oublié sa bière. Oh, Monsieur Moncler, s'il vous plaît. C'est même santé. Je pense qu'il aime pas la bière québécoise. En tout cas, je ne veux pas faire de lien, là. Je le vois sous, je le vois souvent boire dans Molson Canadian. Je comprends. Je le vois sous. On va monter ça, c'est bon. Mais Christian, on est très content de te recevoir ici parce qu'il y a des gens qu'on aime aimer à TV, c'est pas vous. Christian, on l'aime. Moi, je l'aime, Christian. Mais tu sais que c'est pas unanime tout ça. Non. Mais là, on va faire un test. Est-ce que vous l'aimez, Christian? Applaudissez. Oui! Bon. Est-ce que vous l'aimez, Monsieur Thomas Mulcair? Ah, voyez, c'est pas la même chose. Non, mais... Les gens peuvent pas voir que t'as dit... Oui, oui. C'est la radio, ça, c'est tout pas ça juste. Je pense pas que ça soit ça. Enfin, on va monter ça tantôt, on le coupe. OK, parfait. Non, mais on est content, Christian, parce que cette année, on te revoit à Curieux Bégin après une année sabbatique de télé. Ben, pas de télé, que tu racontes. Bon, j'étais là, j'étais en onde. C'est juste qu'il y avait pas beaucoup de monde qui... Ah, bah, hiver! Oui, c'est ça. T'étais payé pour faire ça? Oui, ah mais oui. Quand même. Mais comment ça se fait que ça n'a pas pogné, cette histoire-là? Parce que pour vrai, moi, je l'ai écouté. Et moi, j'appréciais ça. Il y a même Marie-Claude Bocage, qui est notre grande recherchiste, qui aimait Curieux Bégin. Elle aime tout, Marie-Claude. Oui, non, mais attends. Elle n'a pas de mérite. Non. Mais pourquoi le Québec n'a pas embrassé ce concept-là? Et pourquoi on en a tant parlé? Parce que c'était si osé que ça? Ben, je sais pas. Tu sais, c'était une émission très imparfaite, mais qui, je crois... proposer quelque chose de différent dans cette espèce d'amalgame entre la variété puis la fiction. C'était un burlesque, à quelque part. Oui, mais c'était un cap dans le vrai esprit d'un cabaret, en fait. Ouais. Puis dans un cabaret, il y a ça. Il y a du meilleur, il y a du pire. Il y a des bons numéros, il y a des merdes. Mais la moyenne est bonne. Mais la moyenne était quand même pas pire. Je pense qu'à Barre-Ouvert, il y a eu des moments de télévision assez exceptionnels, des numéros qui étaient vraiment très surprenants. Mais j'imagine que, je sais pas, j'ai difficulté à expliquer ça, mais je sais que c'était très polarisé. Mais le Québec l'est, de toute façon, très polarisé. Alors, les gens ou aimaient ça beaucoup ou détestaient ça à chier. Je vais vous donner une option, moi. Oui. C'est le vendredi soir à Télé-Québec. Ah, c'est bien difficile. C'est sûr aussi. Je trouve ça bien difficile, vendredi moi. Vendredi soir, c'est une... C'est moins gros ça. Comme ben non, je sais bien. Mais Christian, il y a eu une grosse année politique au Québec et on a beaucoup entendu parler de votre venue en politique. On en a entendu parler pas mal même. Ben oui, c'est comme ça. Absolument. Bon. Il commence bien. Il a gardé sa barbe. Non, c'est ça. C'est pas comme Philippe Couillard. On va y dire à Philippe, hein. Il ne reviendra plus probablement. Non, je pense pas. Non, c'est ça. Au barbu. Ben oui, ça s'en venait, son affaire. Cela dit, on a parlé de Québec solidaire. Ouais. Hein? On n'a pas parlé de CAQ, par exemple. Non, du tout. Non. On n'a pas parlé du Parti libéral. Non. Mais là, maintenant, on a parlé de la coalition pour la constituante parce que vous avez fait votre choix de pas présenté comme candidat. Oui, c'est ça. Mais j'étais ce qu'on appelle un porte-parole national pour un parti dont personne connaît l'existence. C'est ça. T'étais pas prêt pour la politique, mais est-ce que tu vas être prêt pour la politique bientôt? Non, je crois pas. Jamais? Jamais. Je pense pas que je vais faire le soin politique. Jamais. Je pense que j'ai l'impression, M. Mulcair sera pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que on n'est plus apte d'opérer des changements comme citoyen que comme politicien, parce que comme politicien, souvent, on est lié à un parti. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Oui, parce ça va finir. Oui, non, mais on a du fun, là. Oui, ben oui. Tout le plaisir est pour toi. Ben non, je sais bien. On a du fun, c'est important. Je lisais le papier de Nathalie Petrovski au printemps dernier. oui, qui a dit que ton surnom, c'était... Tu m'appelais Furieux Bégin. Ben oui, Furieux Bégin. C'est-tu vrai, ça? Ben, tu vois, j'ai eu Furieux Vagin aussi. Arrête eu... donc! Oh, oui, j'ai eu tout ce que tu peux le imaginer. Le monde oui, manque oui. de respect. Oui, oui. Alors, mais c'est-à-dire que, bien évidemment, j'ai pas la langue dans ma poche, ouais. puis j'ai eu dans ma vie publique quelques montées de lait, puis ici aussi bâti alentour de ces interventions publiques-là une espèce de personnage. Ouais. Et le personnage, des fois, a occulté un peu la parole prise, ouais. en fait. Alors, je suis toujours un peu surpris de voir que lorsqu'on prend la parole, on est taxé d'hystérique ou de colérique. Il y a eu des fois où, effectivement, j'aurais dit les choses autrement. Mettons, ma première montée de lait, à Tout le monde en parle, il y a 5 ou 6 ans. 7 ans, 8 ans exactement. 8 ans exactement, oui, je ne sais pas 2004, trop, là, en 2004. Bon, oui. ben ça me suit encore. Ben, tu vois? Je peux comprendre, c'était mes prochaines questions, c'est bien pour dire. Hein? Ben oui. Alors ça me suit mais encore, mais tu vois... Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a, comme je te dis, je me répète, une espèce de personnage qui, des fois, occulte la prise de parole. Justement, le furieux Bégin, oui. hein, dont on parle, ben, c'était un peu le furieux Mulcair à l'époque. Absolument. Et monsieur fougueux. Le furieux ouais, fougueux. Oui. qui est en train tranquillement de s'apaiser. Il y a un article dans le journal récemment qui disait que votre image est en train de se transformer, monsieur Mulcair. Vous pourriez faire un switch. C'est hein? ça. Oui. Ce serait une mauvaise idée. Absolument. Je suis devenu grand-père il y a 4 ans. Ça m'a beaucoup aidé. Ah, oui, hein? c'est ça. Ça tempère vos ardeurs. Ouais. Tout à fait. Ben, Christian, pas combativité. Non, je suis toujours très combatif. Oui. J'ai des convictions profondes. Oui. Et je suis prêt à me battre. Oui. Et j'ai ce côté irlandais. Oui. en moi. Ah, ça aide, ça. Hein? Mais vous choisissez vos moyens et vos batailles. De plus en plus, je sais choisir mes batailles. Bien, je pense qu'on va prendre ça comme un conseil, Christian. Oui, absolument. D'accord. Oui. Quand c'est pas le temps, ferme ta gueule. C'est ça. T'es pas obligé d'écrire à la presse « Désabonnez-vous massivement ». T'es pas obligé. Je dis ça comme ça. Ça peut être la bonne solution. Mais maintenant, bon. Je veux dire, c'est comme ça. J'ai un collègue qui me l'a dit comme ça une fois. Il dit « Tom ». Dire ce que tu as dans la tête, c'est pas la même chose que dire la première chose qui te passe par la tête. Retiens-toi ça. Ah, c'est des bons conseils, ça. Oui. Tu restes avec nous? Oui, ben, avec joie. J'espère. Le choix. ben, honnêtement, oui. Mais, non, mais on va dire que non. OK, good. Oui. Fred, notre prochain chroniqueur. Il revient d'une semaine de vacances en Floride et est donc bien reposé pour affronter les inepties qu'on entend trop souvent sur nos ondes radiophoniques. Voici la chronique d'Olivier Niquet. Ah ouais. C'était pas deux semaines de vacances que tu prenais, toi. Ben oui, je pars une semaine couvrir les élections américaines sur les plages de la Floride. Je reviens, qu'est-ce que je vois? Montréal aux portes de l'enfer. Oui. Bon, certains diront que c'était prévisible avec toutes les magouilles là, qu'on entend à la Commission Charbonneau. Mais non, c'était prévisible parce que Montréal n'aime pas assez le petit Jésus. Jean Tremblay, maire de Saguenay. Regardez ce qui se passe là, dans les grandes villes puis tout ça. Là. Les valeurs, là, il n'y a plus. Il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de valeurs. Mais regardez ce qu'on s'en va. C'est important d'avoir des valeurs. Notre société était bâtie là-dessus. Puis ceux qui ont la foi, là, ben, c'est une chance qu'ils ont. Puis je ne suis pas le seul en passant. Alors, il y en a d'autres que moi là, qui croient en Dieu. Ben oui. Oui, notre société a été bâtie là-dessus. D'ailleurs, c'est Maurice Duplessis qui l'a bâti. Lui, il aimait beaucoup le Seigneur, puis il était presque pas corrompu, là, juste un petit peu. Par contre, selon le philosophe Denis Gravel de Radio X à Québec, seule la radio d'opinion spontanée pourra mettre les Montréalais suffisamment en sacre à farce pour botter la corruption hors de Montréal. Le seul problème, c'est que pour l'instant, la Radio X Montréal, ça pogne pas trop. Explication de Jeff Fillion. C'est une terre de gauchistes. C'est vraiment une terre de gauchistes. Les gens même qui se considèrent à droite à Montréal ne le savent pas, mais ils sont à gauche. Et ils vont peut-être finalement réussir parce que ça prend pas 27 parts de marché pour avoir une place à Montréal. Non. Là, on est aux alentours de 1,5, 1,6, je pense. Mais c'est tout à fait normal. Bon, regarde Jeff Fillion qui exagère encore, là. C'est pas 1,5, c'est 0,7 parts de marché. Franchement, rigueur. Autre grand débat de société cette semaine à l'émission Face à Face de VTélé, où l'on se demandait s'il fallait se débarrasser de la monarchie. Un sujet très complexe que l'intellectuel Jean Barbe est tout de même parvenu à vulgariser. Un roi puis une reine qui forniquent, ça fait un prince, tu comprends? Mm-hmm. Ça, c'est un peu ridicule que ce prince-là, le résultat exactement. D'une éjaculation oui, précoce c'est... ou d'un bandage de pisse, ça finisse par faire un dirigeant. Oui, mais... Pourtant, comme le disait Lise Thibault, « The queen can do no wrong », surtout si elle porte un stérilet. Mercredi, Martin Pelletier, ancien participant d'Occupation Double et nouveau co-animateur du matin à Radio X Montréal, proposait que le scandale autour de David Petraeus n'aurait jamais eu lieu si Mme Petraeus n'avait pas des airs de Normand Lester. La femme de David Petraeus Est pas mais là, c'est une question de jugement. Là. Je m'excuse. Là, tous les goûts sont dans nature. Là, pis... Non, mais ce qu'ils devraient faire là, pour les hauts gradés de l'armée... C'est dégueulasse. T'as aucun respect envers la femme. Ils devraient demander une photo de la femme. Puis si la femme ressemble à Norma Lester en version féminine, ben il devrait tout de suite proposer des services connexes à son travail. Bon, c'est bon. Incroyable. Je vous entends pas, être insulté, là. Voyons donc. Radio X n'a pas la prétention d'être intelligente, là. C'est du divertissement. C'est le même principe que pour la télé-réalité, là, comme l'expliquait Jean-Martin Bisson, le producteur à l'absence de contenu d'Occupation Double. Occupation Double n'a aucune autre prétention dans la vie, comme toutes les télé-réalités qu'on fait, d'être un divertissement. On n'essaie pas de faire de l'intelligentsia sociale, on n'essaie pas d'aller ailleurs, on n'essaie pas de parler des sujets de société. Ce qu'on fait, on fait un divertissement. Tu sais, là, de l'intelligentsia sociale. Ouais. On va lui acheter une ça pogne bien gros sur la terre des gauchistes. Ça. Mais on va rester quand même dans l'abêtissement individuel, puisque un certain Yann Halperin, auteur de livres à scandale, nous dévoilait cette semaine un scoop tiré de son prochain livre qui, en passant, a été écrit à trois mains avec une prostituée. J'ai écrit un nouvel choc dans mon livre. Il y a un ancien membre des Nordiques qui a eu un changement de sexe qui vit maintenant ensemble. Il est marié avec un ancien membre des Canadiens de Montréal. Hein? Que c'est romantique, hein? Wow. Ils ont peut-être dansé ensemble pendant le fameux match du Vendredi Saint avant de tomber follement amoureux. Hey, j'espère que Régent Tremblay prend des notes parce que ça ferait un maudit bon lancé camp. Hein? Merci, Lien. Eh bien, la chaîne de restaurants Le Commensal a récemment annoncé en grande pompe, hein, vous l'avez peut-être entendu, qu'il passait d'un régime végétarien à un régime flexitarien. Alors, ça nous a donné l'envie de leur faire une petite pub pour les aider parce que j'ai l'impression qu'ils vont en avoir besoin. Depuis quelques années, la pratique du végétarisme à temps partiel augmente constamment et nos profits à temps partiel aussi. Une nouvelle grande tendance est née de notre département marketing, le flexitarisme. Le flexitarisme, c'est quoi? C'est accompagné de temps à autre un superbe cabaret en plastique de fruits et légumes avec une viande ou un poisson savoureux dont on connaît l'origine. Le plastique, c'est tout simplement Dans chaque commensal, il y a maintenant une section encore plus chère avec des mets agrémentés de délicieuses crevettes nordiques flexi minuscules, d'excellents crabes à saveur de flexi goberge et de bons poulets du Québec égorgés de façon flexi halal. Bienvenue au nouveau Commensal et compagnie! Parce qu'avant d'être végétarien, on est surtout une compagnie à flexi-profit. Eh bien, c'est rendu que j'ai de moins en moins envie d'aller le rejoindre, lui. Jean-Sébastien! Hey, le plaisir qu'on a dans ces toilettes radio-canadiennes, toujours pour célébrer cette journée mondiale. On est plein d'invités ici. Oui. Et là, c'est le bout bien angoissant, celui où on va parler de bactéries et de maladies. Et j'ai avec moi la très colorée et très populaire docteure Christiane Laberge. Merci beaucoup d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. La question, est-ce que c'est dangereux d'utiliser les toilettes publiques? Non, pas du tout. Bon. C'est absolument pas dangereux parce que d'abord, il faut le faire. Et puis, deuxièmement, on n'est pas dans une salle d'opération, donc les bactéries qui s'y retrouvent sont tout à fait normales. Et si ma peau n'est pas blessée, ça se termine là. Ma peau est suffisamment étanche. Et d'ailleurs, c'est une peau, la fesse, qui est faite pour s'asseoir partout. Ah. Alors, le derrière de la cuisse, la fesse, en général, c'est fait pour s'asseoir. Bon, le petit Jésus a pensé à tout. Une question qu'on se pose souvent, est-ce qu'on peut attraper des maladies vénériennes sur un bol? Je veux dire, est-ce que c'est crédible d'arriver à la maison et dire « Chérie, j'ai attrapé des morpions sur le bol de toilette? » Alors, tant qu'aux ITSS, les MTS, non, pas du tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous me parliez de la propreté des garçons versus des filles, un petit peu avant d'entrer en onde. Il paraît que, et c'est vous qui le dites, que les femmes dans les toilettes, c'est des maudites cochonnes. C'est vrai ça? Ben, en fait, elle laisse les toilettes dans un état dégueulasse parce qu'elle met du papier partout, tombe par terre, puis là, ils font pipi à côté parce qu'effectivement, ils veulent pas toucher au bol de toilette. Donc, c'est l'enfer. Les filles, n'ayez pas peur, vous vous asseyez. De toute façon, l'urée contenue dans l'urine qui pourrait peut-être sécher sur le bord, ben, vous en avez plein dans vos crèmes de visage et vos crèmes hydratantes parce que l'urée est un ingrédient qui retient. Il y a du pipi dans nos crèmes. Oui. Bon. Séché, par exemple. L'urée vient quand même de l'urine et puis, c'est sûr qu'on peut produire autrement, là. Mais en fait, au départ, il y a des gens qui hérissaient l'eczéma comme ça, urinaient sur la jambe de la personne qui avait de l'eczéma, et cette urez-la, retenez-l'eau et guérissez les plaies. Donc, s'il vous plaît, on peut s'asseoir sur un siège de toilette. Alors, je voudrais vous remercier tous les trois, sociologues, designers et docteurs. Vous êtes réunis ici pour ce beau happening autour de la Journée mondiale des toilettes. Je vous remercie infiniment et je souhaite à tous les auditeurs une belle journée de la toilette, Jean-Philippe. Ben, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Hein? Merci à vous. Hey, Colin, c'est bon. Fred, notre prochain chroniqueur. Notre correspondant parlementaire fait souvent la barbe à nos politiciens grâce à sa plume aussi tranchante qu'un rasoir à trois lames. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Vous êtes... Bonsoir. Vous êtes dépassé, Fred. Ah ouais? Hein? C'est des rasoirs à cinq lames. Ben, est-ce que vous m'avez vu le visage? Oui, ben c'est ça. Ben, ça fait longtemps, vous. Hein? Ça fait longtemps. Mais Jean-Philippe Cipriani, qu'est-ce que vous faites avec votre barbe d'en face comme ça? Là? Ben, je fais le Beard and Burr, vous, tu sais, puis ça pique en sacré. Ah, c'est le Movember, mais à l'envers? Ouais, non, okay. Le Beard and Burr, c'est toute la barbe. C'est pour appuyer les politiciens barbus qui traversent des périodes difficiles. Prenez le fort dynamique Philippe Couillard, dont vous avez parlé tantôt, qui incarne quasiment le changement là, dans la course à la direction du PLQ. Dans sa campagne de financement, il semble, selon le DGE, qu'il est en train de se faire dépasser par Raymond Bachand. Ah. Bon, on nous dit que c'est pas les bons chiffres, mais quand même, peut-être le fait d'avoir limité les contributions à sa campagne à 500$ quand ses collègues radiologistes gagnent un demi-million, c'est peut-être pas l'opération du siècle. Hey, bonne. Pis, alors, qu'est-ce qu'on fait quand notre campagne lève pas? On cite Obama sur Twitter. C'est ce que Philippe Couillard a fait cette semaine. En disant, et je cite, « La réforme de la santé mise en place par le président Obama montre ce qu'un leadership fort permet d'accomplir. » Philippe Couillard, Barack Obama, Amir Kadir, Gandhi, ça fit. Pareil, ça. Pareil. Et évidemment, côté barbu aussi, c'est sûr que c'est pas facile non plus pour M. Mulcair, qui est en train de se faire dépasser par un quasi-imberbe, là, comme Justin Trudeau, dont le surnom Minou est inversement proportionnel en pilosité à ses sveltes attributs perçus lors de son combat de boxe. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, quel homme, ouais, hein? Mais là, on parlera pas de barbe toute la soirée, quand même. Ben, parlant de poils, je reviens d'Ottawa. Oui. Okay. Où j'ai tenté d'obtenir une entrevue exclusive avec le fameux mammouth, là, la loi sur du même nom. Pas réussi, mais je me promenais dans l'édifice de l'Ouest du Parlement, là, celui qui coûte 1 milliard à rénover. Vous voyez que c'est pas juste ici que ça coûte cher, la construction. Puis j'ai senti une espèce d'odeur particulière. Là. C'est pas nouveau à Ottawa, vous me direz, mais ça sentait comme le vieux, mais nouveau. Ça sentait une espèce de mélange d'Entertainment Tonight puis de bilingue. Là. Ça sentait le Justin. Ah, c'est ça, oui. Mais avez-vous percé le mystère Justin, finalement? Ben c'est ça, tu sais, il veut devenir le 7e chef en 10 ans des libéraux. Ouais, c'est ça. Du courage quand même. Tout ça parce que le Québec est en quelque sorte tombé en amour avec Justin, en plus de Laurie, bien sûr, à Occupation double. Ouais, ouais. Je ferai pas de joke de poil ici. Non. Non. Et c'est très apprécié. Oui, voilà. Ben, justement, c'est un petit peu comme vous, Vautier. Il faut aller au-delà des cheveux pour essayer de comprendre Justin. Je me suis inspiré du recueil des cordes sensibles des Québécois du regretté publicitaire Jacques Bouchard parce que Justin, dans le fond, c'est avant tout un succès publicitaire. Jacques Bouchard, il établit une couple de racines pour les 36 cordes sensibles pour comprendre les Québécois. Racines terriennes et catholiques, le bon sens, l'amour de la nature, la simplicité. Ouais. Bon, pour le bon sens, je ne suis pas certain avec Justin, là, mais l'amour de la nature, avec ses chapeaux de poils gagnants, comme dans les annonces de l'abbé, la simplicité, Justin est pas mal simple. Ouais. On parle aussi, dans les autres cordes sensibles, on parle de l'habileté manuelle, la boxe, le conservatisme, défendre l'héritage du père, et l'hédonisme. Bon, l'hédonisme, j'ai rien à rajouter là-dessus, je pense. Mais faut vous dire quand même que les cordes sensibles ont changé un peu chez les Québécois. Avec la deuxième édition, c'était fini le complexe d'infériorité. Puis il faut dire qu'un Chico qui démolit un gros sénateur musclé en bandana, là, c'est assez inspirant pour les Québécois. Ouais, ben oui. L'étroitesse d'esprit, l'esprit de Baudelaire, la xénophobie, le manque de sens pratique aussi, c'était remplacé par l'entrepreneuriat, se bâtir soi-même, le scepticisme, la technologie, donc Twitter, et la tolérance. Hein, Justin est pour la décriminalisation du pot. Et il faut, pour l'apprécier vraiment pleinement, Justin, il faut vraiment aussi beaucoup de tolérance. Donc, et de pot. Donc, c'est une vitrine publicitaire en soi. Ouais. Monsieur Mulcair, je pense que vous n'aurez pas le choix. Il va falloir fusionner. Oh! Merci, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Hey, c'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret, puis on écoute, puis on lit. Tout de suite après, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquette, Marc-Claude Beaucoup, Pascal, Julie, Christine Parent, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge. Et un immense merci à nos invités de ce soir. Monsieur Mulcair, bonne chance dans votre quête de devenir premier ministre du Canada. Et Christian, bonne chance dans votre quête de devenir premier ministre du Québec. Et on vous écoute, évidemment, Curieux Bégin. Et quant à nous, ben, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée. Nous réécouter grâce à notre balado et écrivez-nous si vous voulez assister à notre émission. C'est jeudi prochain à 17h. Nos invités, la semaine prochaine, on a Guillaume Wagner et Guy Fournier. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Tout le monde, merci. Yeah!